bakache di nou l'babon. Men kèm te wè mal la pou yo, men jodi a se mwè bien pou yo. Paske mwen maman tou, oui, mwen maman tou, oui. Se travay nou pale fon mal, pale fon mal. Men ane sa ap chachon jan, pou mwen si mare pare bagay la. Pou mwen tire bagay la, pou mwen mwen. Pou mwen tire bagay la. Mwen ap pale fon mal, men pa pale fon mal anko. Paske mwen maman tou, pou mwen mwen. Parce que l'or est trop gardé. Yo maman. Yo maman. Divorce était 9 mois. Divorce 18 mois d'été. Aïe. On m'a dit une soufflée, mon cher. Mon ça, il faut que reconnaissance. Pour te mettre volet. Depuis c'est maman, maman net. Il connaît comme petit, il connaît net tout. Quelque chose à Saoudi, il accepte parce que c'est petit lui. Il saute dans la scène. Et puis il connaît le bagage qui est plus important le faire pour encore. Qui bagage vous comprenez? Arrivez tête deux fois. Ou tête deux fois. Maman, on va 9 mois. Tété, et puis 18 mois dans votre là, on question d'air, ou prend la rue en passant, ou tété deux fois. Respect pour famille.